histoire particulière. Le collège Sévenol, c'est l'histoire de ce lieu que nous vous racontons ce week-end. Hier, dans le premier épisode, Alain Lefkovitch et Rafik Zénine nous ont raconté la création du collège sur la commune du Chambon-sur-Lignon par deux pasteurs en 1938. Ils avaient envie d'offrir aux enfants des environs la possibilité d'accéder à un meilleur savoir, plus ouvert, plus universel, innovant dans les méthodes de son apprentissage, voire révolutionnaire. Bref, du jamais vu. L'idée du collège Sévenol était née. Avec 10 000 m² de bâtiments, l'établissement, premier internat mixte de France, a accueilli jusqu'à 600 élèves. Les profs, de toutes les couleurs, confessions et origines. Certaines années, on a compté jusqu'à 45 nationalités différentes. À l'évocation de ce lieu, c'est l'unanimité chez tous ceux qui ont vécu l'expérience. On y a appris, bâti les fondements de nos personnalités, ri, grandi et su qui nous étions, ici, nos plus belles années. Tous saluent la noblesse du projet porté par cet établissement, la belle utopie qu'ils avaient mise en œuvre. Génération après génération, le mythe a fini par se confondre avec la réalité. Allez, venez, retournons-y. Ben on y va, hein, puis on aura le temps de parler là-haut. On monte tous là-dedans, alors du coup ? Ouais, enfin, c'est lui. Allez, il y en a un qui va devant. Je vais filmer. Collège Sévenol et Chambon-sur-Lignon, de Caribe dans Silla. Une histoire particulière d'Alain Lefkovitch et Rafik Zénine. Ça vous fait quoi de reprendre cette route ? Moi j'ai beaucoup de mal. Moi ça fait très très longtemps que je ne suis pas montée au collège. Et c'est juste parce qu'il y a d'autres personnes avec moi aujourd'hui que j'y vais. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est lamentable. C'est en train de se casser la gueule, on dirait. T'as un suiveur. Moi, je suis arrivé en 73 comme élève. Antoine Catala. Je suis resté jusqu'en 76 et je suis revenu en 79. Et après, j'ai travaillé à l'internat et puis j'ai travaillé à l'entretien et puis j'étais directeur d'internat et je suis resté administrateur de ce collège jusqu'à la fin puisque je suis toujours administrateur de ce collège, membre d'un conseil d'administration qui ne s'est pas réuni depuis que le collège a fermé. En gros, à la fermeture du collège, il y a eu 6 mois où il ne s'est pas passé grand-chose, et au mois de février 2015, le collège a été acheté par des artistes chinois qui ont comme vocation d'en faire un parc d'art avec des sculptures, des choses comme ça. C'est des artistes, et pour le moment, une des manifestations, c'est qu'il y a un restaurant chinois qui est intermittent et qui s'ouvre dans l'ancien réfectoire des élèves. Donc là, on est dans le hall du bâtiment scolaire, c'est ça ? Voilà. Alors, il y a eu plusieurs entrées, mais la dernière, à la fin, l'entrée se faisait là. Et il y avait le secrétariat d'Arlette qui faisait les absences, enfin les billets d'absence et tout ça, qui était là. Josiane Escott, ancienne du Sévenol. Et les salles sont réparties tout autour. Avant, il y avait un panneau qui disait que ce bâtiment avait été construit par les camps du service civil international dans un esprit international chrétien pour la paix. Alors en bas, il y avait le labo de physique et de chimie. Je ne sais pas si on peut y accéder par là. Alors là, on est devant la plaque justement qui a été posée à l'inauguration du bâtiment scolaire, qui date du 25 mai 1953. Francis Deval, président de l'association des anciens et amis du collège Sévenol. Et qui précise simplement que cette maison, construite grâce au travail et aux dons d'un grand nombre d'amis, architectes, ouvriers du Chambon, camp du conseil œcuménique des églises, administrateurs, professeurs, élèves, anciens, parents d'élèves du collège, église congrégationaliste et presbytérienne, école et collège des USA, service Quaker, association des amis américains du collège Sévenol, a été consacrée à l'éducation chrétienne internationale pour la paix. Dans ce texte, sur cette plaque, on a vraiment toute la base du collège, c'est-à-dire une œuvre collective tournée vers une éducation chrétienne vers la paix qui a été vraiment le fondement de l'école. quand il y a eu la véritable libération. René Rivière, ancien du Cévenol, héritier d'une des plus anciennes familles du plateau. Le collège a bénéficié d'une sorte de plan Marshall américano-protestant qui a ramassé des fonds. Les Quakers américains ont donné énormément d'argent. Les Juifs qui étaient partis en Amérique et ceux qui avaient pu s'y sauver ont donné énormément d'argent. Et ils ont pu acheter, c'est le collège Cévenol qui a pu acheter une propriété, une ferme, à Luquet, qui a été les premières pierres du collège Cévenol de l'après-guerre, avec certains bâtiments en dur, d'autres en préfabriqué, et qui étaient des dortoirs ou des salles de classe, qui ont été construites, c'était ça qui était merveilleux, par des gens du collège en vacances, ou des anciens, comme moi, qui venaient passer leurs vacances au Chambon. Alors on n'appelait pas ça des camps de construction. Les camps, ça rappelait trop l'Allemagne. On appelait ça les chantiers de construction du collège Cévenol. J'avais 15 ans. Voilà. Et ce collège était dirigé depuis le début par un pasteur, Theis, qui avait 8 filles, dont 5 ou 6 aux États-Unis, parce que Madame Theis était américaine, elle était quand même au Chambon en tant que femme de pasteur et s'occupait des affaires de son mari. Et il est resté directeur de ce nouveau collège qui s'est créé après la libération. Et il y est resté jusqu'en 1960 ou plus, 63. Et là, ça a été une période alors florissante, car il y a eu véritablement des internats de garçons, des internats de filles. Avec la construction des internats, il n'y a plus de vie des collégiens dans le village. Aziza Grille-Mariotte, responsable du lieu de mémoire du Chambon. Les collégiens sont sur un campus extérieur au village qui est quand même relativement éloigné du village. Moi, j'habite ici depuis le début des années 2000. Donc quand je suis arrivée, évidemment, le collège Cévenol était tout à fait en activité. Et le collège Cévenol ne faisait pas partie véritablement de la vie de la commune. Il avait son autonomie, sa propre vie. Évidemment, on voyait les jeunes descendre dans le village, aller s'acheter des canettes de bière, voilà, mais et aller s'acheter des fringues dans les boutiques du Chambon. Mais il n'y avait pas une vie, si vous voulez, c'était, voilà, c'était le collège Cévenol. Et évidemment, c'était une activité économique importante. Parce que c'était un établissement privé, et donc les gens qui venaient de l'extérieur avaient de l'argent. Ça générait une activité économique assez importante. Alors, on a dans les... Francis Deval. Dans les objets qu'on a pu récupérer du collège, on a le gong de Luquet. En fait, Luquet était le bâtiment où il y avait le réfectoire. Et le gong de Luquet est un engrenage d'embrayage de camions qui a été monté par le professeur Pierre Vernier, qui s'occupait de la technique, et qui permettait, on va essayer d'en remettre un coup, voilà, qui permettait au réfectoire d'annoncer qu'il fallait ou se taire, ou un anniversaire, ou des consignes qui étaient à diffuser aux élèves. Le mobilier, les armoires, on est ici devant une armoire traditionnel, je dirais, de l'internat de garçons. Pour information, l'internat de garçons, lorsqu'en 1946, le terrain de Chaumier est acheté, il n'y a donc pas de bâtiment sur ce terrain, et par contact d'amis américains, le collège fait l'acquisition de 4 bâtiments qui viennent de Suède. Et c'est donc Joe Howell, un ami américain qui s'occupe d'ailleurs de l'opération, qui va en Suède, qui ramène avec le petit train et 60 wagons de matériel, et qui construit, alors ce qu'Edouard Theis, le cofondateur avec André Trocmé, appelait les petites maisons préfabriquées, et que les élèves appelaient les baraques. Donc on avait dans les baraques ces armoires individuelles, et puis Roger Mandon a, dans les années 50, créé un mobilier qui était tout à fait avant-gardiste, qui était un lit qui se repliait avec, une fois replié, la possibilité d'avoir un bureau qui se dépliait sous le lit. Mes parents étaient des Quakers. Philippe Barnard, ancien du Cévenol. Et le American Friends Service Committee, c'est-à-dire l'association pour les aides à l'étranger des Quakers aux États-Unis, ont donné des fonds au Collège Cévenol pendant les années 50 pour bâtir le campus de Luquet. Mes parents étaient à l'époque, pendant les années 60, ils étaient très actifs dans le mouvement pour le Civil Rights Movement et contre l'impérialisme et tout ça. Donc, ils étaient engagés un peu. Mon père enseignait à l'université Rutgers dans le New Jersey. Et il avait un collègue à Rutgers qui avait envoyé sa fille à l'école. Et au moment où il a appris que le American Friends Service Committee donnait de l'argent au collège, il était convaincu que c'était une bonne idée à cause de la connexion Quaker. Oui. À cette époque-là, il n'avait jamais été en France. Et donc, il avait l'idée que ce serait une excellente idée d'envoyer son fils en France. Vous vous souvenez de votre arrivée au Chambon-sur-Lignon? Parfaitement. C'était un peu misérable. C'était au mois fin septembre, commencement d'octobre. Il y avait un brume. C'était très nuageux et pluvieux tout le temps. Et pendant les premières quelques semaines, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait d'être dans un tel endroit? Mais quoi, après un, deux, trois mois, alors ça marchait très bien. À cette époque-là, je crois qu'il y avait un certain esprit de corps qui animait la direction et les enseignants du collège, n'est-ce pas? C'était toujours la première génération des gens qui ont fondé le collège et qui l'animaient toujours à cette époque-là. Il y avait une histoire, mais à l'âge de 13 ans, on ignore tout ça. Et je suis parachuté parmi tous ces jeunes gens dans l'internat en français. Donc je me suis occupé surtout à apprendre le français au commencement. Et ce n'était que lentement que je me suis rendu compte de l'histoire. Déjà, dans l'histoire, c'est de voir la population. Cette population qui, moi, au milieu des années 80, donc 40 ans après, 50 ans après la guerre, qui était cette population accueillante. Yves Toali Seri, ancien du Cévenol. Parce qu'elle a traversé dans son histoire donc le regard des autres, le jugement des autres. Elle s'est développée là-dedans. Elle a trouvé son identité là-dedans. Donc, c'était des gens qui ne te regardaient pas en tant qu'étranger. Ils te regardaient en tant que personne qui venait chez eux prendre part à leur histoire. Et puis le mythe, c'est tout ce qu'on nous racontait sur ces enseignants, sur ces habitants qui, dans le froid, dans la neige, se cachaient, construisaient des petites huttes dans la forêt pour pouvoir y cacher ceux qui fuyaient la guerre, ceux qui étaient persécutés par la guerre au nom d'une certaine idéologie. Voilà, donc le mythe, est-ce que c'est réellement un mythe? Peut-être que c'est l'histoire qui a fait, à force d'être racontée, se travestit, mais la substance reste parce qu'ils ont été vraiment héroïques. J'ai l'impression que quand on ne fait pas attention par rapport à l'histoire, on a tendance, au fond, à mythifier un peu. Robert Lasset, ancien élève, ancien professeur de philosophie et ancien directeur du collège Chevenol. C'est comme un enfant qui mythifie sa jeunesse un peu, parce que, en bien ou en mal d'ailleurs, hein, parce que il y a vécu des choses formidables, ou au contraire, il y a vécu des choses désagréables. Moi, je considère que, à titre personnel, il y a beaucoup de nostalgie, et la nostalgie, quelquefois, ne restitue pas toujours les choses dans leur propre réalité. Moi, je me suis mis toujours un peu à distance de la nostalgie, parce que il faut garder toujours dans l'analyse des événements une certaine distance pour mieux éclairer ce qui a été. Parce que le collège Chevenol n'était pas l'écart de la société, et que tous les travers de la société pénétraient aussi dans l'établissement d'une certaine manière. Hein. Je crois que c'est moi je ne participe pas à cette mythification parce que je crois que Paul Ricoeur disait que il faut se méfier des mémoires, que les mémoires sont souvent des mémoires subjectives, que chacun a sa mémoire, mais si on veut faire œuvre d'objectivité, il faut aller vers l'histoire. L'histoire, elle dépasse les mémoires. L'histoire, c'est la construction, au fond, de ce qui peut être scientifique. Et nos mémoires, souvent, trahissent un peu le réel, parce que chacun s'agrippe un peu à sa propre mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'héritage se perdait. Vous dites la société, les affres de la société ont fini par pénétrer le collège Chevenol. Jusqu'à présent, ici, on est quand même sur un plateau assez protégé par la nature, tout simplement. Un lieu difficile d'accès, on comprend pourquoi ça a été un lieu de refuge pour un certain nombre de gens. C'était terminé, cette idée de refuge? Mais je crois que si nos parents nous laissent un héritage, si on ne sait pas le faire fructifier, il peut être perverti, on peut en faire un usage tout à fait négatif. C'est là où je crois que le rôle de l'éducateur, c'est à la fois avoir l'héritage en repère, mais ne pas le figer dans un passé immuable. L'héritage doit être confronté aussi au monde contemporain. L'héritage doit être utilisé pour voir comment il peut s'adapter à un monde qui évolue. Et incontestablement, je crois que ce n'est pas dire quelque chose d'iconoclaste que de dire que à un moment donné, il y a eu un décalage parce que une mémoire qui se fige, qui se contemple et qui se dit on a été, je caricature un peu, on ne peut pas dire, quand on dit on a été. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on a fait? Et je crois que toute l'histoire, et même chef d'établissement, j'en avais conscience que c'était un défi qu'il fallait que je relève, mais suis-je arrivé? Je ne suis pas certain. C'est une valeur d'éducation, ce n'est pas qu'une valeur d'éducation proclamée, c'est aussi une valeur d'éducation mise en acte. Or, pour la mettre en acte, il faut qu'il y ait des acteurs de l'éducation, adultes, parents, et des acteurs aussi élèves. Est-ce qu'à un moment donné, le passé a su parler au présent, quoi? Les gens, en dehors du travail, ils n'avaient rien. Nicolas Pignon. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas un peu la radio, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que le paysage et la dureté du travail. Paysan. Alors naturellement, le collège est en dehors de ça, mais c'est dans cette population-là qu'on est. Et le paysage physique, et le Chambon de ces années-là, il y a une librairie qui doit faire 3 mètres sur 4, un café, un tout petit hôtel et une pâtisserie et basta, il n'y a rien du tout. Bon, alors c'est désert, c'est quand je dis un paysage d'une sévérité, j'y suis retourné cet été, j'étais jamais retourné au Chambon depuis, donc j'avais le trac. Et en arrivant là-bas, qu'est-ce que je vois Saint-Tropez, c'est-à-dire c'est devenu la banlieue estivale de Lyon, de Saint-Étienne. Ils ont construit des petites maisons partout en face de la pension où j'étais, qui était une sorte de tour de béton planté au milieu de rien. Tout d'un coup, il y avait un petit supermarché en face. J'étais choqué, je ne comprenais pas. Et tout d'un coup, je vois 3 librairies, des cafés partout, une population très très bourgeoise. Des gens qui ont des résidences secondaires, qui ont des belles bagnoles, qui ont... À l'époque, il n'y avait rien. Quand j'étais môme, je crois que la seule voiture qui arrivait à marcher dans la neige, c'était à 2 chevaux. Ce monde-là a disparu. Et le petit train a disparu. Et j'ai eu un moment de déphasage absolu. C'est-à-dire que le paysage, le Chambon des Justes a disparu. Totalement disparu. 1938, 1970, ce sont souvent des pasteurs qui sont soit directeurs, soit présidents du conseil d'administration, avec une connotation protestante marquée. Gérard Bollon, historien du Chambon. C'est pas un collège laïque, anodin, donc là, il y a cet aspect-là. 1970, ces anciens pasteurs, ces anciens guides du collège Chevenol sont à la retraite et arrive une flopée encore une fois de directeurs entre 1970 et 2010, on a eu 11 directeurs. Le premier, c'est Roger Hollard, qui dit « mais le collège ne peut plus être avoir une autonomie comme cela, il faut signer un contrat avec l'État ». Pourquoi Sévenol ne pouvait plus avoir cette autonomie ? Parce que pécuniairement, c'est trop compliqué. Roger Hollard convainc son conseil d'administration qu'il faut signer un contrat avec l'État. La vocation un peu spirituelle, ou en tout cas confessionnelle, des anciens directeurs n'est plus de mise au Collège Sénol dans les années 70. Il y a une forme, c'est un grand mot, déchristianisation, mais il y a une forme de laïcisation qui se profile, hein, et au cours des années 70, 90, après, ce collège n'a plus sa vocation spirituelle. Roger Hollard avait, je le pense, certainement raison d'accueillir beaucoup plus d'enfants qui sont en déshérence ou en difficulté de comportement ou de relation avec le milieu familial ou leur vie citadine. Hein. Et donc là, Roger Hollard a beaucoup œuvré pour prendre cette tranche d'enfants qui sont en difficulté, et quand on dépasse la possibilité d'être attentif à leur éducation, ça se dégrade. Le point sur l'information avec Valentin Dunat, bonjour. Bonjour Annie. Un corps calciné qui pourrait être celui de la collégienne disparue en Haute-Loire a été retrouvé hier soir. Les gendarmes ont fouillé dans une forêt proche du collège suite aux indications données par un lycéen de 17 ans. Ce jeune homme connu des services de police pour des faits de violence a donné quelques éléments. Ce serait un lien avec un événement qui a eu lieu il y a très très peu de temps dans les voies du collège. Oui, donc il y a eu cet élément tragique, effectivement, en 2011, où une de nos internes a été assassinée par un autre élève. Les habitants du Chambon-sur-Lignon et le Collège Sénol, en hommage affectueux à Agnès Marin, décédée le 16 novembre 2011, à l'âge de 13 ans. Son enterrement a eu lieu le jour de ses 14 ans. Il y a eu ce crime en 2011 qui a forcément, j'imagine, provoqué l'accélération de la fermeture du collège. Moi, j'étais au conseil municipal dans cette période-là. C'était fini déjà. La dette était tellement... était par rapport, même si la commune a fait de la garantie, hein, d'emprunt, c'était déjà fini. Hein, c'était déjà fini. Mais peut-être que ça sur le plan communication, ça a été terrible. Hein, ouais. Donc ça a peut-être achevé le collège Sénol, peut-être. Mais pour dire, vous voyez, c'était une utopie, le collège Sénol. Pas du tout. Pas du tout. Mais on arrive à quelque chose de terrible qui marque et les élèves, et les profs, et la population du bourg, et tous ceux qui suivent ça par les médias. Hein. Donc, bien sûr, ça l'achève, hein, le Collège Sévenol. Le Collège Sévenol, c'est une douleur. Alain Arnoux, ancien pasteur du Chambon-sur-Lignon de 1983 à 1991. Ça a été une douleur longtemps, parce que peut-être justement on n'avait plus beaucoup de relations, parce qu'entre le village et le collège, les relations s'étaient un peu distendues, parce qu'on n'était pas forcément d'accord avec tout ce qui se vivait, se passait dans le collège. En tout cas, moi, à mon époque, il était beaucoup question d'argent à ce moment-là. Et puis tout ce qui va avec, hein, des trafics autour, etc., enfin, bon, des élèves démolis... qui arrivait démoli, bon, pour qui on faisait du bon travail, il y avait du bon travail qui se faisait, mais le fait qu'on puisse pas avoir de rapport avec eux, c'était quand même difficile. Et puis, bon, la manière dont le collège s'est terminé, c'est une douleur aussi. Ce qui s'est passé, je crois, c'est que le collège, Il y avait quand même toujours des gens qui étaient habités, parce qu'ils avaient aussi été élèves, là, ou enseignants, qui étaient habités de la vision de départ, sans doute transformée, qui avait évolué, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a eu d'autres phénomènes, c'est-à-dire, par exemple, aussi, à partir d'un certain moment, il est devenu très difficile pour des élèves étrangers, en particulier africains ou autres, d'obtenir des visas pour venir faire des études en France. Et ça, je crois que ça a contribué très largement à couler le collège Chedenol et d'autres établissements, qui étaient un établissement international, avec le bac international, etc., etc., parce que ce collège ne pouvait tourner qu'aussi avec des internes qui payaient un écolage quand même qui n'était pas négligeable. Ce collège, qui est devenu un collège important, qui a accueilli jusqu'à 500 enfants. Éliane Vauquier, maire du Chambon-sur-Lignon. À la fin, ça s'est terminé avec entre 70 et 80 enfants. Donc, vous voyez, c'était trop petit, c'était devenu trop petit pour continuer à vivre. Donc, progressivement, l'école s'est rétrécie. Et puis, il faut dire aussi que peut-être la pension qui était une évidence dans l'éducation des enfants l'est beaucoup moins aujourd'hui. Alors en 2014, effectivement, le collège Chedenol ferme ses portes. Et alors, il faut trouver un moyen de faire revivre ces différents bâtiments. Quel projet, quel avenir, comment on pense la reconversion de ces bâtiments? C'est loin d'être évident. Le parc fait plus de 10 hectares, 15 dans mon souvenir, il y a 10 000 mètres carrés de bâtiments, tout ça est vide, donc ou va devenir vide, parce que c'était quand même, j'allais dire c'était dans l'air, hein, depuis, moi je dirais, au moins 5 à 10 ans. Il y avait une espèce de réflexion là-dessus, j'avais réuni des personnalités qui viennent ici en vacances, des chefs d'entreprise, des avocats, et un ami ambassadeur, qui était ambassadeur de France en Chine, et qui un beau jour me téléphone et me dit « Bon ben voilà, Eliane, j'ai une proposition qui va te surprendre. C'est un jeune couple chinois que j'ai connu quand j'étais ambassadeur à Pékin, et qui cherche un parc pour présenter des sculptures. Est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai dit « Écoute, oui, tout m'intéresse. » J'ai vu arriver ce très jeune couple, puisqu'elle avait 35 ans et lui 37, qui ont eu un coup de foudre pour ce lieu. Donc, ils se sont portés acquéreurs et ils ont obtenu, enfin, c'est eux qui ont été désignés. Ils ont donc acheté au mois d'août, ils ont signé chez le notaire au mois d'août. Puis, avec un projet qui était à côté du projet de parc de sculpture, un projet de centre de formation, majoritairement pour des jeunes chinois, aux métiers des beaux-arts, design, mode, métiers du luxe en gros. Et puis, ben, depuis, nous sommes un peu, comment dire, en attente de ce qui va sortir. J'aimerais voir émerger quelque chose. Le collège ne pouvait pas continuer, dans la mesure où il y avait le téléphone portable, l'arrivée de ces instruments, voilà. À partir du moment où le collège était relié au monde extérieur, sa fonction de lieu refermé sur l'étude, le comportement, la rencontre des uns et des autres, elle n'avait plus vraiment de sens. Et j'ai appris qu'au moment de sa fermeture, pendant cette histoire tragique, là, ils étaient 90. On était 500 à l'époque où j'y étais. Donc voilà, mais c'est pas un monde qui pouvait survivre à la modernité des échanges. Si jamais vous étiez au Chambon et que vous pouviez aller sur Internet, c'est mort. Ça n'a plus aucun intérêt d'être là, où on se demande qu'est-ce que je fais ici. Voilà. Et donc, dans la mesure où cet isolement était rompu par les machines, hein, par le téléphone, par ceci, par cela, par l'ordinateur, on n'a plus aucun intérêt à être sur place. Et curieusement, ce qui me reste du Chambon, surtout ces quelques figures, c'est un sens du tragique. Parce que je trouvais que c'était un pays tragique. Merci à Pierre Rousset, Anne Ollard, Antoine Catala, Josiane Escott, Sadaf Colestan-Manval, Nicolas Pignon, Éliane Vauquier, Alain Arnoux, Aziza Grille-Mariotte, Gérard Bollon, Robert Lasset, Yves Taoli Seri, Philippe Barnard, René Rivière et Francis Deval. Merci enfin à tous ceux, anciens du Cévenol, qui ont répondu à mes sollicitations et que je n'ai pas pu rencontrer. Collège Cévenol et Chambon-sur-Lignon de Caribe dans Silla. Prise de son, Cyprien Creton. Réalisation, Rafik Zénine. Mixage, Éric Villenfin. Coordination, Christine Bernard. Une histoire particulière d'Alain Lefkovitch. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Elle était médecin, elle a risqué sa vie dans l'enfer concentrationnaire, mais c'est une autre histoire.